chier. C'est du sans scrupule, du Liberty, du GTA, sur cohésion frotte. Pas de méthode Coé, nous on ment pas quand on s'y frotte. J'ai le calcif propre, ok ok. 77, 91, 94, les gros, ok. J'suis pas en guerre photo, hein, toujours armé de mes rimeurs trières. Sous pic trop fort à force, on me demande en secret de me retirer. On la paix, une acclamation pour comprendre, ouais, y'a que le maçon à ses murs. C'est pas la peine de songer aux réclamations. Un conseil, petit bonhomme, sois partisan de la tranquillité. La drogue et l'état, et les poulets qui aiment craquer l'été. J'suis pacifiste, gros, même si parfois j'aime les trucs illicites. J'aime pas ces flics, flics, et moi j'préfère quand c'est tranquille ici. Toujours pour la bonne cause, ça fait des années que j'milite. J'vais finir par croire que Père Noël n'a pas allumé les. Crois plus avec la hache. Message, mon photo black tease, j'avance avec la rage, on est vite dans le chétal qui passe. J'ai pas le moral, frère, te spie, c'est le passage invite. Les mots rares, moi et l'inspi, c'est Goliath face à David. Dans ma tête, c'est la wars, pas difficile à voir. D'ici, j'ai vu la paix s'asseoir sur le fil du rasoir. Disciple de la guerre, j'arpente les rues en aïquière. Visible, à l'œil nu, la rage, c'est tout ce qu'on acquiert. Tout droit, sorti des tranchées, de la paix, des vœux de l'amour. Pas de sentiments étrangers, t'es de la baisse, j'suis peu glamour. J'ai enfilé le treillis du paradoxe, pas l'envie d'être trahi. Comme un leur dit paradoxe, malfaiteur, sans scrupule, Liberty est kamikaze. On fait sauter la guerre, demande pas qui est-ce qui a mis le gaz. J'pars en guerre pour la paix, c'est triste à dire comme. Faut tuer pour manger, c'est pas juste un dicton. Jadis 14-18, 39-45. Aujourd'hui rien neuf, le chat un amitié 45. Plus d'amitié, car on sème le guet de l'animitié 2005. C'est le baby boom, la nouvelle vague porte le M de Papy. C'est trop bas d'ici bas, sous les tranchées. Pas besoin de port d'armes, j'ai la vérité, mon savoir, que Dieu me pardonne. Si je m'en veux ôter la vie, une petite part d'homme. Apparemment c'est prêt à raquer pour que la paix d'aide me faire un cheese. On part en guerre pour la paix, donc pas de garde ni tarpé. Juste y garde du papier, puis un sage mais à passer. La guerre rend nos cœurs défragmentés, comme de voir des frères mentir. Pourquoi y a-t-il plus de mentors, reste-t-il temps de martyr? Pas de meilleur que du pire, à croire que la paix fait trop peur. Peur à y croire, peur à dire, comme reconnaître qu'on s'est trompé. Chacun agit au nom de son hymne, représente juste pour le principe. Fini le temps des genoux, ça cherche une place dans le vrai crime. Caméra pour des conneries, afin de ne plus faire les mêmes. En son âme et conscience, véridique comme les mots d'un môme. 72 mesures armées, un demi-douze pour tout calmer. Dans l'espoir que demain la guerre aura pris son calmant. Donc il faut qu'on bataille dans ce cas. Me jette à l'eau avec des faces dans une bouteille. Crie au secours, au secours. Car c'est déjà catastrophique. Pourquoi les 12-13 ans veulent reproduire la guerre 14-18, ouais. Si on te cherche, boum, même quand je cherche, bouge. Je me sens anéanti depuis le fils de George Bush. J'ai la guerre dans ma tête, et c'est ma faute voiture. Et aux infos de 20h, ça devient banal des feux de voiture. On s'encule entre potes, on peut pas dire qu'on s'aime tant. J'ai pas de conseils tendres, mais le symptôme du 11 septembre. Mais mon cœur tremble, car c'est dur de subir de pareils à coups. Je rêve d'un monde en paix, mais pour l'instant, la vie part en yeux-coup. On est en guerre pour la paix, comme un gosse d'Ira, comme un partisan de l'Ira dans les délire, attentat, camouflé façon Jai, les bonbonnes sous le camis, un suicidaire pour le djihad, la paix recrute des kamikazes. La paix en guerre appréhende la moindre chance d'échapper, car la victoire contre la défaite en V6 à la pagaine. Laissé au bras, toujours brave, la peine a plus d'armes. Bouche a pris le brassard depuis que la paix a pris sa place, reprend en quart. On se barricade pendant que la guerre gère le prix du baril. La paix gardienne d'asile, éponge les pleurs des mères au Brésil. On se bousille, trafique la guerre, investit dans les usines pour les pauvres, m'a-t-on dit. La paix jugée aux assises.